Salut tout le monde, ici c'est JP. Aujourd'hui, on va parler d'un duo légendaire, celui de Johnny et de Michel Mallory. Une collaboration qui a marqué l'histoire du rock français et l'histoire de la musique à travers Johnny et qui, franchement, mérite qu'on s'y attarde. Salut JP, salut à toutes et tous. Alors oui, on va parler de deux géants, Johnny bien sûr et Mallory. C'est plus qu'un parolier pour Johnny, c'est un confident, un frère d'âme. Ils ont travaillé ensemble sur plus de 114 chansons. Franchement, tu te rends compte du truc ? Eh oui, 114 morceaux, dont certains des plus grands classiques. Et tiens-toi bien, ça a commencé par un coup de génie en 72 ou 73, je sais plus. Mallory a écrit « Sauvez-moi ». Une nuit blanche, une inspiration fulgurante, Johnny adore et la femme, la machine est lancée. Ma dernière cigarette, mon dernier verre de rhum. J'ai droit à 2 minutes pour la prière des hommes. Oh oui, Sauvez-moi, quel titre. Et quelques mois plus tard, Mallory sort de sa R12 avec la musique que j'aime. 10 minutes, un texte parfait. Il a dit lui-même, c'est presque une escroquerie, tellement c'était rapide. Et c'est là qu'on voit la magie entre ces deux-là. Mallory comprenait Johnny comme personne. Il captait ses états d'âme, ses moments de doute, sa solitude. Et il les transformait en paroles puissantes. Tu sais, Mallory disait qu'il était comme une éponge, qu'il absorbait tout ce que vivait Johnny. Exactement. Et ça n'a pas juste forgé une collaboration artistique, mais une amitié profonde. Mallory raconte qu'ils vivaient pratiquement l'un sur l'autre. Johnny, ce n'était pas qu'un rocker, c'était un homme complexe, timide, introverti. Mais sur scène, il devenait un autre, bête de scène, littéralement Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Cette proximité se ressent dans des chansons. Il y a un Parle-moi de l'amour tolu, ce duo en porte qu'ils ont enregistré en 2007. E per un culo di bella, un altro dio o un'idea, ogni anno nasce una guerra, l'uomo sa più dell'uomo. Oui, ce titre est un ovni. Mallory et Hallyday qui chantent en Corse. Donc c'est un hommage aux racines de Michel Mallory, mais aussi à leur lien fraternel. Il me semble d'ailleurs que c'est Johnny qui avait demandé à Michel Mallory de faire une chanson en Corse ensemble. Et Johnny était le parrain d'une des filles de Michel Mallory d'ailleurs. Entre eux, c'était bien au-delà de la musique. En parlant de succès, Rook, donne-nous ton top 3 des morceaux signés Mallory qui ont marqué la carrière de Johnny. Bah, c'est assez facile. Alors, on a la musique que j'aime, évidemment. Hein, ce morceau, c'est du Johnny à l'état brut. On a La Terre Promise, qui est une adaptation de Chuck Berry avec une énergie folle. Et puis Charlie, un hommage vibrant et mélancolique. Je rajouterai éventuellement un quatrième, c'est La Prison des Orphelins, mais on y reviendra sans doute plus tard. Oui, super choix, t'as raison, La Prison des Orphelins, où ils ont chanté, d'ailleurs c'est même pas un duo, parce que c'est quand même, si je me souviens bien, c'est quand même Mallory qui assurait la partie principale de la chanson en termes de voix, et Johnny était plutôt remis en termes de choriste, il me semble. Oui, effectivement, c'est Mallory qui chante toute la première partie, et ensuite Johnny le rejoint sur cette chanson. Et ben moi, je rajouterais le chanteur Sans amour, qui est sur l'album Derrière l'amour. C'est une pépite qui dévoile la face la plus sombre de Johnny et que Michel Mallory a bien su comprendre, hein, ce Johnny un peu perdu qui cherche l'amour à tout prix. Tu n'es qu'un chanteur sans amour et tu caches toujours ton cœur sous ton manteau d'étoile. Tu brûles une ville par jour. Laisse toujours une fille. Je crois que c'est plutôt sur l'album à partir de maintenant. Enfin, mais tu sais, au-delà des tubes, Mallory a révolutionné l'écriture pour Johnny. Avant lui, les chansons étaient plus légères. Lui, Mallory, il a amené une profondeur, une poésie brute. Il a donné à Johnny un répertoire qui collait à son image d'icône rock. C'est clair. Et il a aussi adapté des morceaux anglo-saxons avec un talent fou quand on écoute les versions finales de Promesse, Poupon, Loving Hard. Et il réussit à conserver l'âme des chansons tout en les rendant profondément françaises et profondément appartenant à Johnny. Tu remets toujours à demain. Après 1982, leur collaboration est devenue plus épisodique, mais ils n'ont jamais vraiment coupé le lien. En 1999, Mallory revient sur un album de Johnny avec deux chansons. Et même après la disparition de Johnny, Mallory continue de rendre hommage à son ami. C'est ça, leur lien semble intemporel. Comme Mallory le dit si bien, Johnny a influencé Matt comme un frère. Et franchement, on le ressent dans chaque note, chaque mot. Michel Mallory sortira en 1975 un 45 tours sur le label H Productions que Johnny avait créé en 1972 et il chante un titre qui s'appelle Johnny, ne laisse pas ta musique te tuer. Une chanson assez marquante hein, qui met en lumière les tensions entre la passion de l'artiste pour la musique et les aspects sombres de la célébrité. Alors tout le monde s'en doute, hein, mais c'est presque un avertissement, une réflexion sur les sacrifices et les risques qu'implique parfois la vie de star. Celle de Johnny en est un parfait exemple. Hein. Et c'est une intensité de travail énorme. Laisse pas ta musique te tuer. Il y a encore tant de filles à aimer. Bon, JP, il y aura encore plein de choses à dire sur Michel Mallory. On verra ça peut-être une autre fois. On arrive à la fin de cet épisode. Cette histoire, c'est bien plus que de la musique. C'est une leçon sur l'amitié, la complicité et la création. Absolument. Merci à vous, amis auditeurs, d'avoir partagé ce moment avec nous. N'oubliez pas de nous suivre pour d'autres plongées dans l'histoire du rock et dans l'histoire de Johnny. Et comme dirait Johnny, que je t'aime. À bientôt. À bientôt. La musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des manoirs lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. La musique vit. Je t'aime et que j'ai mal à en crever. Je pleure mes